Au fond, personne ne veut comprendre, alors pourquoi donner ma vie? Je le ferai s'ils le font, et je donnerai même sans un rond. C'est pas ma faute si je suis faux, et puis crois-moi, c'est pire là-haut. Wow, oh, wow, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, wow. La politique, je m'entends pas. Elle sert à rien sauf à ses codes. Des ménagères devant tes loges reconnaissent moins que leurs propres gosses. Et je travaille majestuel, et le discours de tous les nègres. Plus de psycho dans tous mes textes que de réponses sur ce manège. Je m'en bats les couilles du peuple, que ces arabes tous entre eux. Je m'en bats la race de tes manies, ce qui m'active est beaucoup mieux. J'ai pas besoin de cogiter, pas responsable de ces misères. C'est pas ma faute si je suis faux, et vous crois-moi c'est bien là-haut. Wow, oh, wow, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Méga d'humilité en acceptant la place qui est la tienne. Yeah. On admire, on jalouse, mais c'est un homme et pas un saint. Why? Si Dieu est l'homme, il est aussi la sagesse et la grâce. Si Dieu est mort, alors c'est l'homme qui le remplace. Je suis un homme qui ne ment pas. Toujours raison car j'ai la foi. Je me permets de prendre des vies. Au fond, je sais que c'est pour moi. Je suis le messager de Dieu, le seul à savoir ses aveux. Si je prétends l'interpréter, c'est que je ne crois qu'en ma pitié. J'ai pas la force de regarder, de mettre en jeu ma propre foi. De croire en Dieu et pas en moi, et de le dire à haute voix. Je suis un homme et donc j'ai tort, serait l'effort d'un être beau. C'est pas ma faute si je suis faux, et bien crois-moi c'est bien là-haut. Wow, oh, wow, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.